SM. Ça c'est pour les gros dépensiers qui tapent les drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Bien que sans le système. Ça c'est pour les gros dépensiers qui tapent des drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Bien que sans le système. Ça c'est pour les gros dépensiers qui tapent des drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Bien que sans le système. Ça c'est pour les gros dépensiers qui tapent des drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Oh ouais, notre fils comme ça. Hey, écoute ça, ok. On écrit à tel point qu'on en maigrit, tandis que notre sang grossit, tandis que la puissance de son grandit. Écoute, on crie, on souffre, on écrit, on maigrit, on médite à tel point qu'on en médite. Ça c'est pour tous les mecs qui tapent des mains sur moi, tandis que nous galèrent avec nos conjoints. Ça c'est pour les culs, tandis que nous on se lève la tête dans le cul, on la pose. Ça c'est pour les mutants qui n'aiment pas les partout devant mon micro. Ça c'est pour les mutants et les putains qui ne font jamais la fête et qui ne sont plus saines. Écoute, c'est le son du Congo. Écoute, on arrive avec tout ce momo, les cheveux longs et l'air con, avec un gros pétron. Pour les gros dépensiers qui tapent les drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Bien que le son système, ça c'est pour les gros dépensiers qui tapent des drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Bien que le son système, ça c'est pour les gros dépensiers qui tapent des drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Bien que le son système, ça c'est pour les gros dépensiers qui tapent des drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Bien que le son système, c'est comme ça. Si les petits chats, mais les gros bêtes, m'en bats les couilles de ta rabla. T'as besoin de cette faire la fête, pas ouais, notre vie, c'est comme ça. Si les petits chats, mais les gros bêtes, m'en bats les couilles de ta rabla. T'as besoin de cette faire la fête, j'ai pas envie de tête, non, en fait, seulement éclater la tête, ouais, tu vois la crade de mes vêtements, vas-y, lèche mes gros pecs, ouais, mon père, je suis donc les dos avec ma tâche, t'es bien autre chose, là, que quand j'asse, on voit le micro, c'est pour parler de mes aides, que trop, j'parle en dérime en cadence, pourquoi la France me lèche la lance, guette de l'aura sa bidance, et nous partirons sans trop, j'parle en dérime en cadence, pourquoi la France me lèche la lance, guette de l'aura sa bidance, et nous partirons en transe. Ça c'est pour les gros dépensiers qui tapent les drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Bien que son système. Ça c'est pour les gros dépensiers qui tapent des drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Bien que son système. Ça c'est pour les gros dépensiers qui tapent des drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Bien que son système. Ça c'est pour les gros dépensiers qui tapent des drones toute la journée, qui sont sans arrêt explosés. Bien que son système. Ça c'est pour les